Que dirais-tu d'un soir au sommet du Kili, embrasser du regard les neiges de Tanzanie, être aux premières loges au lever du rideau quand le soleil se lève sur le Kilimandjaro. Assez de sacrifices, j'ai tissé mon avenir, oublié des prémices d'une vie sans plaisir, tous ces tristes signaux d'un malaise moral qui s'immisce au sein même de nos ruines sociales. Peut-être qu'à Noël, on verra les neiges éternelles en haut du Kilimandjaro. En haut du Kilimandjaro. Hey, yeah, yeah, yeah. Alors que dirais-tu de claquer tout notre fric, même celui qu'on n'a pas, et de fuir en Afrique pour aller s'isoler sur un des toits du monde et sans refaire un petit sur des bases plus rondes. Que dirais-tu d'un soir au sommet du Kili? C'est quand même autre chose qu'une soirée à Paris. Emprunter les chemins qui rapprochent du ciel et fuir à tire-d'aile. Peut-être qu'à Noël, on verra les neiges éternelles en haut du Kilimandjaro. En haut du Kilimandjaro. Peut-être qu'à Noël, on verra les neiges éternelles en haut du Kilimandjaro. Les neiges éternelles en haut de Kilimandjaro.